And if you know, if you are drunk, you know, you will sleep. You might even sleep very well. Amen. But your problem will be busy gazing at you. You never leave them. Yeah, this one. I'm waiting. You come and meet me here. Und wenn du dich betrunken hast und dann schlafen gehst, gut schläfst, dann stehst du auf und dein Problem sitzt immer noch auf dem Sofa und guckt dich an. Ne? Es wartet auf dich, bis du wieder wach bist und bis du dann wieder weitergehst. Irgendwann machst du deine Augen ja wieder auf und dann siehst du es ja wieder. Oder vielleicht ist sogar das Problem sogar in deinem Kopf noch mehr drin und dann träumst du sogar davon. Und dann kannst du noch nicht mal im Schlaf davor fliehen. Ne? Also es wartet immer auf dich. Donc il y a quelque mais tu dois comprendre que tes problèmes vont jamais partir, c'est Jésus-Christ qui doit le résoudre, sinon tu peux partir, tu peux boire, tu peux faire n'importe quoi, mais le problème sera toujours assis là en train de te regarder et te dire que bon, comment on va faire, on fait comment maintenant. Donc c'est un problème qui va, des problèmes vont jamais se résoudre seuls. It's about be filled with the Spirit. Amen. Er sei gefüllt mit dem Heiligen Geist. Amen. Allow the Holy Ghost to take control. Mais remplissez-vous de l'Esprit Saint. Donc, laissez que le. Permettez au Saint-Esprit d'être en contrôle. How? Au contrôle. Amen. How? Oui, soll das passieren? Mais comment? Remember what he did for you. Erinnere dich an das, was er für dich getan hat. Erinnere dich daran, wer dein Vater ist. So wird der Heilige Geist Kontrolle übernehmen. Tu le fais comment? Tu le fais quand tu te rappelles de. Qui est ton père, l'identité de ton père, de quoi il est capable, et c'est là que le Saint-Esprit sera au contrôle. Remember that, you know, Romans 5, if his death can save you, what about his life? Ja, durch Römer 5, wenn sein Tod uns gerettet hat, wie viel mehr sein Leben? Rappelez-vous à Romans 5 qui nous dit que si sa mort a été capable à nous sauver, à plus forte raison, maintenant sa vie va nous sauver et va nous aider. Amen. In verse 19, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And not to complain, and panic, and fear, doubt, don't believe everything. All the satanic weapons, they are all around you. You are thinking how to solve it. Instead of you allowing the Lord to think, to do the job. You know, you cannot do the job of the Holy Spirit. Mm. Amen. Yeah. He says, seek me first, and all others will be added unto it. Mm. Du kannst das Werk des Heiligen Geistes nicht machen. Er sagt, wir sollen nach ihm suchen, alles ist getan. Und wir sollen nicht halt uns umgeben mit den teuflischen Waffen von Zweifel, Unglauben und Angst und das verstreuen und das sogar andere damit anstecken. Tu ne peux pas faire l'œuvre de l'Éternel ou bien du Saint-Esprit. On doit d'abord regarder au royaume des cieux, chercher le royaume des cieux et toute autre chose nous sera donnée. Donc ça signifie qu'on ne doit pas utiliser les armes de ce monde ou bien du diable qui sont vraiment la peur, la doute et tout ça. Et ça va nous faire du mal en fait. Amen. Meditate on what he has done for you and not meditating on how you are going to solve the problem. Ja, sinne über das nach, was er für dich getan hat und nicht wie du das Problem lösen kannst. Tu dois apprendre à méditer. Comment il nous a sauvés, comment il t'a donné le salut, ce qu'il a fait pour toi, et pas méditer sur le problème. Amen. Amen. Verse 20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks always for all things. All, not some. Nicht, wenn die Dinge gut laufen. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, continuellement, et pas seulement quelques jours, oui. Praise the Lord. Please quickly go back to Daniel 3. Amen. Daniel 3. Et pas seulement quand les choses se passent bien. On va lire Daniel 3. Verse 19. Verset 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury, was so angry, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, he spake and commanded that they should heat the furnace once seven times more than it was wont to be pitié. You know how hot can the fire be hot before you can kill? Wie heiß kann Feuer sein, bevor es tötet? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20. 20. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning fiery furnace. Verse 21. Then these men were bound in their coats, their hoses, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Verse 22. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, and the flame of the fire slew those men that took off Shadrach, Meshach, and Abednego. Praise the Lord. Hallelujah. The people that threw them inside were burned. Die Leute, die sie in den Ofen reingeschmissen haben, wurden zerstört durch das Feuer, wurden verschlungen von dem Feuer. Ici on voit que le roi verset 18 à 21 nous dit que le roi a ordonné qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait jugé convenable de le faire. Et puis après, ils ont jeté les 3 garçons dedans. Et les hommes qui étaient autour de ces, du fournisseur fournaise, ils sont même, oui, la flamme les a même brûlés. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Our prayer should be, Father, help me to believe you. Unser Gebet sollte sein, Vater, hilf mir, dir zu glauben, dir zu vertrauen. Mais eux, ils n'ont pas été brûlés. Et c'est pour cela que notre prière doit être, Père, aide-nous à te faire confiance. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Verse 24. 24. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselors, did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, O king. Verse 25. He answered and said, lo, I see 4 men loose. Amen. Walking in the midst of the fire. And they have no heat. And the form of the fault is like the Son of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Son of God. Have you ever seen the Son of God? Yep. The Lord opened his eyes. Amen. To see vision, to see the spiritual world. Der Herr hat seine Augen geöffnet, dass er die geistliche Welt sehen konnte. Ici, il a dit que il a vu une quatrième personne et cette personne-là semblait au Fils de Dieu. Mais est-ce qu'il a déjà vu dans sa vie le Fils de Dieu? Non, mais ça nous fait voir que l'Éternel a ouvert ses yeux spirituels pour voir qui est au milieu des 3 garçons hébreux. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, you servant of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw this man, upon whose body the fire had no power. Praise the Lord! Whose body? They have a special body. Sie haben einen besonderen Körper. Even fire could not eat their body. We have a special body. Dass das Feuer ihren Körper, nicht mehr ihre Klamotten verschlingen konnte. Ici, on voit que les 3 garçons, ils avaient un corps spécial, un corps où le feu n'était même pas capable à brûler leurs vêtements. You know what these 3 Hebrew boys have? What we have today is greater than what they have. Was diese 3 Hebräer haben, das was wir heute haben, ist viel größer. Ce que les trois garçons hébreux avaient, c'était vraiment bien, c'était bon. Mais ce que nous, on a, c'est encore mieux de ce qu'ils avaient. For those of you that are afraid of one sickness and disease in your body. Für die von euch, die Angst haben vor einer Krankheit. Amen. Body there. You have a new body. Amen. Die Angst haben vor einer Krankheit, die in eurem Körper ist. Ihr habt einen neuen Körper, dieser neue Körper ist Christus. Pour ceux d'entre vous qui ont peur des maladies et oui, des trucs dans leur corps, sachez que vous avez un nouveau corps et votre corps c'est Jésus-Christ lui-même. If any man be in Christ, have a new body. Wenn jemand in Christus ist, hat er einen neuen Körper. Si quelqu'un est en Christ, il a un nouveau corps. Praise the Lord. Amen. Whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their clothes changed, nor the smell of the fire had passed on them. They put them in cushion. It's like freaking. Praise the Lord. Es wirkt so, als ob sie eigentlich in einen Kühlschrank gepackt worden sind oder einfach in ein Wartezimmer gepackt worden sind, aber nicht in einen glühenden Feuerofen. Donc les trois garçons, ils semblaient des personnes qui étaient dans un frigo ou quelque chose comme ça. Donc tu vas même pas penser qu'ils étaient dans un four. The Lord turned everything of those three Hebrew boys unto him. He became everything for them. Der Herr hat alles, was... He was their clothes. He was their shoe. Yeah. He was everything. He is the only Christ that nothing can touch. Yeah. And that's why everything you have must be Christ Jesus. Der Herr hat alles an ihnen zu sich selbst gemacht. Ihre Klamotten, ihre Schuhe, ihre Haut, ihre Haare, alles war einfach nur noch er. Und deswegen war es unantastbar für das Feuer, unantastbar für die Elemente. Et l'Éternel a tout changé concernant les trois garçons. Il a changé leurs vêtements, il a changé leurs chaussures, les cheveux. Donc rien n'a été brûlé. Verse 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. The blood, you know, the God that he once challenged. Der Gott, den noch einst herausgefordert hat. I will see the God that will save you from my hand. Who are you? Are you getting it? Ils ont, lui, le roi, ici, il avait défié l'Éternel, le Dieu. Et maintenant, il est rentré dans ses sens. Il a reconnu que c'est Dieu-là, il est vraiment vivant. He said, who has sent his angel and delivered his servants that trusted him and have changed the king's word and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own god. Therefore, I make a decree that every people, nation, and language will speak anything amiss against the god of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other god that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they did not play safe, these three Hebrew boys. Diese drei hebräischen Jungs, die haben... Die haben nicht aufgegeben, die haben nicht auf Nummer sicher gespielt. Les trois garçons hébreux, ils n'ont pas abandonné. You know, they did not fast and beg God that the king will not throw them to fire. Sie haben nicht gefastet und gebettelt, damit der König sie nicht in den Feuerofen schmeißt. Ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas mendié ou bien n'ont pas fait des prières, longues prières pour que le roi ne puisse pas les jeter dans le feu. Or the fire should not burn them. Dass das Feuer sie nicht verbrennen soll. Ou que le feu ne puisse pas les brûler. They were so much in faith. Sie waren so im Glauben. Ils avaient vraiment la foi. Amen. Amen. For them, it doesn't matter what happened later. Ihnen war es egal, was später passiert. Ça les importait, donc ça les intéressait pas qu'est-ce qui va se passer après ça. It does not matter what happened. Das ist egal, was passiert danach. Ça les intéresse pas qu'est-ce qui se passe après. Amen. Amen. Like Luke 14 said. Jesus said you have to hate all. Jesus until you hate all, you cannot be there. Mm-hmm. If you are still in love with your life, you cannot be there. Mm-hmm. Wenn du immer verliebt bist in dein Leben, kannst du nicht da sein. Comme Luc 14 nous dit qu'on doit vraiment tout détester, si tu es toujours amoureux de ta propre vie, tu vas tout perdre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. No wonder he said, if you love your life, you will lose it. Kein Wunder, dass er sagt, wenn du dein Leben liebst, wirst du es verlieren. Et c'est pour cela, il dit que si tu aimes ta vie, tu vas le perdre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verse 26. If any man come to me and hate not his father, mother, amen. So we say, because of my father, I'm the only son. Let me give up. Amen. I'm the only child. I want to make them childless. Once I die now, who will be there for them? Jesus said, if any man come to me and hate not his father, a mother, a wife, and children. Who will take care of my children? Are you getting it? And brethren, and sisters, yea, and his own life also. He cannot be my disciple. Und wie zeigt sich diese Liebe in solchen Situationen? Diese Liebe zeigt sich, indem jemand sagen würde, okay, ich kann mich nicht für den Herrn hingeben, weil was wird dann aus meinen Eltern passieren? Was wird dann aus meiner Frau passieren? Was wird aus meinem Ehemann passieren, wenn ich das jetzt mache und jetzt in diesen Feuerofen steige und dann sterbe? Es geht nicht. Ich kann mich jetzt hier nicht dem König widersetzen. Ich muss ihm gehorchen, um meiner Familie willen. Aber diese Leute haben so nicht gedacht. Sie haben nur Gott gesehen. Ces trois hébreux, ils étaient vraiment capables à tout détester, même détester le soir, parce que sinon ils allaient dire que oui, mais j'ai encore un père, et ou j'ai encore des enfants, ou bien j'ai une femme. Je dois prendre soin de ma famille et c'est pour cela ils allaient dire que je vais abandonner, je ne veux plus je veux seulement m'incliner devant le roi, comme ça il va m'épargner, je ne veux pas mourir. Ils n'ont pas dit ça, ils ont détesté même leur propre vie et c'est pour cela on voit ici à Luc 14, 26, il dit que si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas, il ne hait pas sa mère, son père et toute sa génération, il ne peut pas être mon disciple. You know, I remember, sister was here the other time. He said, who will take care of my mother in Congo if I'm not there for them? Mm-hmm. Well, somebody like that, you can never follow Christ. It's not possible. Mm-hmm. Everything must be gone. Mm-hmm. If not, Satan is so clever. Through them, he will take you. Mm-hmm. It's a matter of time. Mm-hmm. You are out. You have to, it must be him alone. That's Christ Jesus. He is the one to take care of them, not you. Not even you. You make yourself a target for Satan. He will destroy you. He gives time. Let's watch out. Praise the Lord. Es muss Christus allein sein. Nicht du bist der Versorger von mir, sondern Christus ist es. Und wenn wir uns in diese Versorgerposition stellen, wenn wir eine Zielscheibe des Satans und dann können wir die Zeit danach stellen, bis wir den Herrn verleugnen und weg sind. Il y a des gens qui se disent oui, je ne peux rien faire, qui va prendre soin de ma famille par exemple, et on doit savoir que cible, ok. On doit savoir que si on a des pensées comme ça, on fait de nos biens des cibles, ou bien on se fait nous-mêmes aussi des cibles. Comme ça, le diable va commencer à dire, ah, ok, je comprends où est-ce que ton cœur est. Il va attaquer ou la personne à laquelle tu veux prendre soin, ou bien toi-même pour t'empêcher, si tu ne vois pas l'Éternel lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Let that of Daniel be your homework. Amen. That's to Daniel. Daniel 6. Amen. Lisez le livre de Daniel 6. Daniel 6. I will go quickly. We'll go to two places. There. Amen. Look at verse 9, verse 10 and 11 of Daniel 6. Daniel 6, 10 and 11. Daniel 6, 10 et 11. You know, before this 10 and 11, Daniel I don't even know. Let me see where to start from. Praise the Lord. Hallelujah. You know, these people, they were so strong. They were, the relationship was so heavy. Die Leute, deren Beziehung somebody be like that mit dem Herrn war so stark, kann jemand heutzutage noch so sein? On voit que la relation des trois hébreux, garçons hébreux avec l'Éternel était vraiment très forte. Est-ce que les gens peuvent être comme ça ces jours ici? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 8, he said, now the O king established the decree and signed the writing that it be not changed according to the law of Medes and Persians, which altereth not. Verse 9, wherefore King Darius signed the writing and the decree that he will be bowed, they will bow before. Look at, let's read. Okay, from 4. Let's read from verse 4, please. Daniel 6 from verse 4. Just here. Then the president and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. But they could not find none occasion, nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in Daniel. Are you getting it? Nothing of the flesh. Are you from flesh? Amen. On voit qu'il y avait rien de charnel ici. Nothing to accuse him of. Nichts, woran man ihn irgendwie beschuldigen könnte. Là, il y avait rien où on pouvait un sujet d'accusation. He did not come late to work. Er ist nicht zu spät zur Arbeit gekommen. He cannot have anything. Man ihn damit nicht versuchen. Er war sogar vor allen anderen da. Daniel n'avait pas de sujet d'accusation, donc il s'agissait toujours de Jésus-Christ pour lui et il était toujours à l'heure, il n'avait pas de problèmes. Then in verse 5, they said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Is somebody getting something? Except when it comes to Christ. Wenn es Christus geht. When you go, if you go there, then hey, I'm ready to violate it. Are you getting it? Wenn es Christus geht, da bin ich bereit, das Gesetz zu brechen. Yeah. Donc, il disait ici que le ministre cherchait à trouver un sujet d'accusation contre Daniel touchant les affaires du royaume. Et c'est là, donc il dit que là seulement c'est le seul sujet qu'on peut trouver, où on peut trouver un sujet d'accusation, c'est quand on touche le royaume des cieux, ou bien on sait que, parce qu'on sait qu'il est vraiment très fidèle à l'Éternel, et là il est prêt à violer une loi. Praise the Lord. Hallelujah. Verses, then this president and princes assembled together to the king and said unto him, King Darius, live forever. Verse 7. All the president of the kingdom, the governors, the princes, the counselors, and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days save of thee, O king, he shall be cast into the lions, the den of lions. Verse 8. O king, establish the decree and sign the writing that it be not changed according to the law of Medes and Persians, which altereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Verse 10. Amen. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees. 3 times a day and prayed. And gave thanks before his God. And he did a 4 times. Then this man, Zebua, and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the decree. Praise the Lord. You know, Daniel did not close the window. Nor did he pray. Er kannte das Verbot. Donc ici, on voit que Daniel connaissait l'interdiction. On avait interdit aux gens de louer. Et lui, il n'a même pas fermé les fenêtres. Il a loué l'Éternel sans cesse. These people were somebody else. Mm. Are you getting it? Mm. Not afraid of anything. Die Leute waren einfach wild. Die hatten einfach keine Angst. Sie hatten Angst vor niemandem, nicht mal von dem König. Amen. Donc, on voit vraiment que ces gens ici, comme Daniel ici, ils avaient peur de personne, même pas du roi. You know, for us, even age will threaten us. Come on, age. Come on, time. Beasts will threaten us. Everything. No, no, the king with the lion, they cannot threaten Daniel. He still, you know, he opened the window. The other day, when we had I saw we were doing something up, then we quickly closed the window. It said somebody was having heart attack because of the noise of the retreat that somebody Christ music healed people. Amen. And not giving people heart attack. Amen. Are you getting it? Mm. If it is the natural music, that was a supernatural music. Mm. Our music is a music of victory. Mm. That's what the Lord said to me. Mm. He said our music is a healer. Amen. Are you getting it? And not a destroyer. Mm-hmm. Then the natural music is going to destroy them. Mm-hmm. You know, before somebody gets healed, that person will get, the sickness will get even more serious before it gets healed. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. We should learn to understand the kingdom of heaven. Mm-hmm. Amen. Uns macht, heutzutage macht uns alles Angst und alles bedroht uns und die Zeit bedroht uns, unser Alter bedroht uns, Rechnung bedroht uns, Menschen bedrohen uns. Aber Daniel, Löwen haben ihn nicht bedroht, Könige haben ihn nicht bedroht, Verbot haben ihn nicht bedroht. Er hat einfach weiter sein Ding durchgezogen mit dem Herrn. Und auch vor einiger Zeit gab es eine Situation, wo sich jemand beschwert hat und gesagt hat, dass er von der Musik ganz krank wird oder einen Herzanfall kriegt. Und das kann nicht sein, weil die Musik vom Herrn, sie heilt und zerstört nicht. Sie bringt Heilung. Und manchmal ist die Heilung auch so, dass sie erst Zerstörung bringt, bevor sie dann halt wirklich heilen kann. Weil genauso wie du auch erstmal im Bauch aufsteigen musst, bevor du in die Operation reingehst. Das tut dann erstmal weh, aber da muss was passieren. Da muss man erstmal durchdringen. Und deswegen war es auf jeden Fall eine Lüge. En fait, ja, on va pouvoir que ces gens ici, comme Daniel, par exemple, ça ne les intéressait même pas la vie du roi. Et nous, aujourd'hui, par contre, quelquefois, l'âge, on voit notre âge, on voit nos factures, on voit nos résultats, on voit beaucoup d'histoires qui nous intéressent, qui nous font mal au cœur, qui nous inquiètent, au lieu de voir seulement l'Éternel, au lieu d'être concentré sur lui, vers lui, et de le louer. On voit qu'on a... eux, ils étaient vraiment exemplaires, et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas comme ça. Parce que l'autre fois, j'ai écouté dire qu'il y avait un monsieur ici, un voisin qui a dit qu'il a écouté notre musique et il avait mal au cœur. Mais ça, c'est pas le cas. Notre musique, ça peut jamais emmener quelqu'un à une destruction parce que c'est la vie. Parce qu'il s'agit de l'Éternel, ça apporte la vie. Ça guérit, nos musiques va guérir et pas maudire ou bien tuer quelqu'un. Praise the Lord. Even such person, we are able to invite him to the church. Why don't you come and join us and dance with us? Are you getting it? Yeah. Why don't you come and join us and dance with us? The Lord is a healer. In himself, once you receive him, whatever it is, it could vanish. You know, this kingdom system, you have to be radical. In dem System vom Königreich von Jesus Christus müssen wir radikal sein. So eine Person müsste wir das nächste Mal sogar einladen und sagen, ey, komm und tanz doch mit uns. Mm. Oh, dans le royaume des cieux, on doit vraiment apprendre à être radical. Une personne comme ça, on doit même lui dire que, on doit lui donner la vérité directement, lui dire que oui, mais venez avec nous, dansez avec nous, écoutez la musique avec nous. Nous sommes une église, on croit à Jésus-Christ et il va te guérir et on va pas être, on va pas travailler ou bien marcher selon le bien de ce monde. Amen. Amen. That the good of this world. Amen. Let us just so that you will not go on that, so that you will not, you understand me. Das man eher dann halt knickt man eher ein und sagt, okay, lass uns das leiser machen oder lass uns das und das machen, damit es halt der Person nicht zu, schadet, aber der Satan liebt das. Et à travers le bien de ce monde, on va se dire que oui, bien, on va diminuer le volume, comme ça il va pas mourir, ou bien faire, oui, on va seulement doser un peu. Le diable, lui, il aime cette mentalité. And what we are saying here is that, you know, that you can look at Daniel, you can look at the three Hebrew boys. Their faith was so strong in the Lord. And their faith, you know, God kind of faith will not worry for any outcome result. Mm. Ja, Glaube war so krass, dass es egal war, dass das Resultat dieses Gegensprechen des Königs ihnen egal war. Also diese Konsequenz war ihnen egal wegen ihrem Glauben. À travers sa foi, la conséquence du diable, la conséquence du roi, ça l'intéressait pas. Il ne voyait pas le lendemain qu'est-ce que le roi va faire. Il va me sanctionner ou bien il va me punir. Ça l'intéressait pas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. God kind of, you know, God kind of faith will not worry for what next, which result am I going to get? For you, it's all about Him. Amen. Im Gott, wenn wir im Gottes Glauben wandeln, dann ist das Resultat egal. Uns geht's nur um ihn. Quand on est en train de vivre à travers la foi de l'Éternel, le résultat ne doit pas nous intéresser parce que n'importe quel résultat on aura, c'est lui-même notre résultat. You already have your outcome result. Wir haben das Ergebnis schon, das Christus. Non, on a déjà notre résultat et notre résultat c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. You can see that they were not waiting for any outcome. For them it's all about God. That is their result, God. Gott ist ihr Resultat, Gott ist ihr Ergebnis, das war. Pour eux, il s'agissait que de l'Éternel, de Jésus-Christ, donc de Dieu, et leur résultat c'était Dieu, donc c'est pour cela ils s'inquiétaient même pas. We are not after what this work of pass or fail. Sie waren nicht hinter dem, was diese Mensch, was die Welt bestehen oder versagen nennt. Ils n'étaient pas derrière ce que ce monde appelle de réussir ou bien d'échouer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That is how to live in faith. You are not after the outcome. Any outcome result is not your problem. It's not your business. You already have your outcome result, which is Christ Jesus. Amen. Once you confess Him, you believe Him, the outcome result, pass or fail, is not the result. The result is Christ. That is where you can stand. If not, if you are after pass, you will fail. Are you getting it? The system of heaven should be studied and well rooted in. If you go to Ephesians 2, verse 8. Amen. Das Ergebnis ist uns egal, bestehen oder versagen, ist uns egal, denn wir haben schon bestanden, weil Christus unser Bestehen ist. Aber wenn wir unser Fokus auf Bestehen oder Versagen haben, dann sind wir schon Versager. Notre résultat, ça ne doit pas nous intéresser parce que notre résultat, c'est toujours Jésus-Christ. Et ça signifie qu'on a jamais l'échec. Nous sommes toujours des vainqueurs. Et si tu es en train de te concentrer sur l'échec ou bien tu as peur d'échouer ou bien tu dis tu veux seulement avoir... oui, tu as peur de l'échec, tu vas échouer parce que tu vois seulement l'échec. Mais si tu vois Jésus-Christ, là, même si tu échoues ou tu n'échoues pas, ça ne t'intéresse pas. On va lire Éphésiens 2, 8... He said, for by grace are you saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. For by grace are you saved through faith. He said, grace is our salvation. Die Gnade ist unsere Rettung. La grâce, c'est notre salut. Amen. Grace is our salvation. Die Gnade ist unsere Rettung. La grâce est notre salut. Grace is our pass or fail. Das ist unser Bestehen und unser Versagen. La grâce c'est notre c'est notre échec ou bien c'est notre victoire. Grace is our result. Gnade ist unser Ergebnis. La grâce c'est notre résultat. Amen. Christ is grace. Christus ist Gnade. Jésus-Christ c'est lui notre grâce. Amen. You are saved by grace. You have victory by Christ. And Christ is your victory. Grace is what Christ did for us. Grace is our victory. Gnade ist das, was der Herr für uns getan hat. Gnade ist unser Erfolg. La grâce, c'est ce que l'Éternel a fait pour nous. La grâce, c'est notre, notre victoire. What Christ did for us is our victory. Was Christus für uns getan hat, ist unser Bestehen. Car ce que l'Éternel a fait pour nous, c'est notre victoire. Praise the Lord. Hallelujah. You know what Christ did for us? Religion, this world, we never call it victory. Das, was Christus für uns getan hat, würde Religion und diese Welt nicht als Erfolg nennen. C'est que, c'est que Jésus-Christ a fait pour nous, la religion ou bien ce monde ne va pas le voir comme une victoire. True God kind of faith, we have what Christ called victory. Aber durch Gottes Glauben haben wir das, was Christus Erfolg nennt. Mais à travers en croyant la, Jésus-Christ, on va voir que c'est notre victoire, c'est que Jésus-Christ a. And that victory is himself. Und dieser Erfolg ist er selbst. Et cette victoire, c'est lui-même. Through God kind of faith, we have what Jesus did for us. Durch Gottes Glauben haben wir das, was Jesus Christus für uns getan hat. À travers la foi en Jésus-Christ, on a ce que l'Éternel a fait pour nous. And what he did for us is himself. He gave us himself. Und das, was, was er uns gegeben hat, ist er selbst. Er hat uns sich selbst gegeben. Et c'est que lui, il a fait pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous. There's no victory bigger than him. Und es gibt keinen Erfolg, der größer ist als er. Il n'y a pas, il y a aucun victoire qui est plus grand que lui. Through God kind of faith, we have Christ and not we have passed our exam. Christ is whatever result you are going to get. Christus ist jeglich. And you already have him, and that is Christ. Was wir bekommen, und Christus haben wir schon. I don't know if you are getting Jésus Christ est n'importe quel résultat que tu es en train d'attendre, parce que quand tu as Jésus Christ dans ta vie, tu as déjà ta victoire. Amen. Through God kind of faith, we have Christ, and not we pass our faith. Durch Christus or haben wir Christus Ergebnis und nicht das Bestehen oder Nichtbestehen unserer Prüfung. À travers Jésus-Christ, on a comme résultat Jésus-Christ lui-même et pas l'échec ou bien. Amen. I pass my exam is not what gives me victory or what gives me joy. Prüfung besteht nicht, dass es mir Freude oder Frieden gibt. De vaincre ou bien de passer. D'avoir un bon résultat, c'est pas ce qui va me donner la paix. Through God kind of faith, I have Christ, and not I pay my bills. Durch Christus habe ich all my bills must be paid. Durch Glauben. Through God kind of faith. Also durch Gottes Glauben. Praise the Lord. Hallelujah. À travers. Ich mache Französisch. Okay. Durch Gottes Art des Glaubens haben wir unseren Sieg. À travers la foi de l'Éternel, on a aussi notre victoire. Praise the Lord. Through God kind of faith, I have Christ, and not all my bills must be paid. Durch Gottes Glauben habe ich Christus und nicht die Begleichung all meiner Rechnungen. Jésus Christ, j'ai ma victoire et je n'ai pas l'accomplissement de ou bien le paiement de mes factures. Having Christ is greater than paying any bill. Denn Christus zu haben ist größer Amen. Als jegliche Rechnung zu bezahlen. Parce que avoir Jésus-Christ est plus grand que d'avoir payé toutes tes factures. Remember Luke 10. Erinnert euch an Lukas 10. Rappelez-vous de Luke 10. Amen. Let us go there today. Lukas 10. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Proverbs 17, Lukas 10, 17 bis 24. Luke 10, 17-24. And the servant returned again with joy, saying, Lord, even our bills have been paid. All the bills have been paid. Are you getting it? Amen. Amen. You know, I have everything now. And you can see it. You never have problems solved. Die 70 kehrten zurück und haben gesagt, dass alle unsere Rechnungen wurden bezahlt, alle Probleme wurden gelöst. Et 72 revient avec joie et disait, Seigneur, même nos dettes ont été payées ou bien nos problèmes ont été sauvés, résolus. Praise the Lord. Alléluia. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Are you getting it? Mm-hmm. You know that that is the trick of Satan. Er weiß, dass das der Trick ist. What you call problem is not the problem. Dass das, was wir Problem nennen, nicht Problem ist. Ici, il voit que, il dit que j'ai vu le Satan tomber du ciel comme la foudre. Donc, il sait que ça, ce sont les œuvres du diable. Que ce que toi, tu appelles le problème, ce ne sont même pas un problème. C'est ce que lui, il appelle des problèmes. Problème, tu n'as pas Satan, we want to see things as your problem. Le diable veut que tu puisses voir les choses comme des problèmes. Praise the Lord. Jesus was not rejoicing that Satan was subject to death. He was rejoicing because he could see was the lies of Satan. He was seeing something there. He was not seeing that Satan has been defeated. He was saying that there was a satanic light that was working. I don't know if you can get it. Jesus hat sich nicht blenden lassen. The victory was not the true victory. Von dem vermeintlichen Erfolg, sondern er konnte sehen, dass in ihren Worten ein teuflisches Motiv war, ein teuflischer Geist war, der da drin versteckt war. Jésus-Christ était capable de voir dans ce qu'il disait. Il n'était pas en train de se réjouir. Il voyait que malgré ce qu'ils sont en train de dire, il voyait qu'il y avait un motif démoniaque dedans, qu'il y avait un fruit qui n'était pas de lui, qui était du diable. Le motif laquelle il était en train de se réjouir, c'était pas Dieu. Look at verse 17 again. Verset 17 And the 70 return again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. Amen. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. He started speaking of Satan. Amen. Mm-hmm. Behold, I give unto you power to tread on serpent and scorpion and over all the powers of your enemy. And nothing shall by any means hurt you. 20. Notwithstanding in this, rejoice not, that the spirit are subject unto you. Are you getting it? He was seeing the lies of Satan. What gave their joy? The motive of their joy was wrong. Er hat das Motiv ihrer Freude gesehen, dass es falsch war. Are you getting it? Ici, il a vu le motif de leur joie et c'était un mauvais motif. Amen. You know, it's like, you know, if you come out and give testimony, you know, your testimony, if I see the motive wrong, I will correct you because I love you. I know you might not like it. Amen. Praise the Lord. Es ist genauso wie dein Zeugnis. Wenn ich sehe, dass dein Zeugnis fleischig ist, weil da ein fleischiges Motiv hintersteckt, dann werde ich dich auch in öffentlicher Runde darauf hinweisen und dich verbessern, weil ich dich liebe. Tout comme ton témoignage, si tu dis un témoignage et que je vois qu'il y a quelque chose de charnel dedans, je veux te corriger parce que je t'aime. You know, these people came with testimony. Diese Leute kamen mit einem Zeugnis. Ces gens sont venus avec des témoignages. Are you getting it? It was testimony that we are saying to the Lord. I said, look at what happened. Almost, you know, they expected Jesus to dance samba. Amen. Sie haben erwartet, dass Jesus sich freut wegen ihrem Zeugnis. Eux, ils sont venus avec des témoignages et ils attendaient que l'Éternel va se réjouir. You have to be clever, more than the Satan himself. Amen. Wir müssen weiser sein. If it is true, the truth, you can be clever more than Satan. Wir müssen weiser sein als der Satan selbst und das können wir nur durch die Wahrheit. On doit être sage, plus sage que le diable lui-même, mais ça on peut seulement être sage que lui, plus sage que lui, seulement à travers la vérité. Praise the Lord. He said, but rather rejoice because your names are written in heaven. Praise the Lord. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Mais il a dit que réjouissez-vous parce que votre nom a été écrit dans le au royaume des cieux, au livre de vie. Verse 21. In that hour, Jesus rejoices in spirit. You can rejoice in your spirit. Du kannst in deinem Geist rejoicen. You see something there. He rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth. How to rejoice in spirit. Wie uns im Geist erfreuen, indem wir dem Herrn danken. Ici, on voit que Jésus se réjouissait en esprit. Et comment se réjouir dans l'esprit, c'est quand tu remercies ton Seigneur. Are you getting something? You know, things might not be working outside, but you rejoice in the spirit. Dinge funktionieren nicht von äußerlich, aber du freust dich im Geist. À l'extérieur, les histoires ne marchent pas, mais toi, tu te réjouis en esprit. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. That thou hast hid these things from the wise and prudent and has revealed them. What you are hearing is hidden. Was du hörst, ist verborgen. Ce que tu écoutes, c'est vraiment caché. The true victory is hidden. Der wahre Sieg ist verborgen. La vraie victoire est vraiment cachée. What you make you to rejoice is hidden. Was der Freude bringt, ist verborgen vor ihnen. Amen. Et ce qui te donne la joie, c'est vraiment caché. Praise the Lord. Amen. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Verse 22. All things are delivered to me of my Father. And no man knoweth who the Son is, but the Father. And who the Father is, but the Son. And he to whom the Son will reveal him. Are you getting it? It's also in Matthew 11. Amen. Matthew 23. And he taught him unto his disciples and said, privately, blessed are your eyes. We see the things that you see. Just like he will say to you today. Genauso wie es zu euch sagen würde. Say to you today. The truth that you are receiving, blessed are your ears. Wie weit ihr hört, gesegnet sind eure Ohren. Ici, il dit, verset 23, il dit, et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Et c'est comme ça qu'il va aussi nous dire aujourd'hui, heureux, nous sommes bénis à travers ce qu'on écoute. Et on doit être heureux parce qu'on entend la voix de Dieu. Praise the Lord. The truth you are hearing, you are seeing. No, no, you can see it. Bless are your eyes. Amen. Bless are your ears. Verse 24. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which you see and have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How blessed are you? Wie gesegnet sind wir. How Amen. Blessed I am. Amen. We are blessed. Wir sind gesegnet. Nous sommes vraiment, vraiment très bénis. Et parce qu'il dit à verset 24 car je vous le dis, beaucoup des prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Comment est-ce que nous sommes vraiment bénis? Praise the Lord. Alléluia. My joy is I have Christ and not I pay any bill. Meine Freude ist, dass ich Christus habe, nicht dass ich irgendeine Rechnung bezahle. Ma joie est que j'ai Jésus-Christ et pas que je paye n'importe quelle facture. Through God kind of faith, through my faith in the finished work of Christ. God kind of faith is the finished work of Christ. Through God kind of faith. Are you getting it? The faith Glauben. On the finished work of Christ is God kind of faith. Der Glaube an das fertige Werk von Jesus Christus, das ist Gottes Glaube. On doit comprendre que la foi de l'Éternel, c'est la foi de l'accomplissement de son œuvre. Et c'est comme ça que tu crois. C'est ça, c'est la foi de l'Éternel. Amen. Through my faith in the finished work of Christ, Aha, his will for me. Dadurch habe ich seinen Willen für mich. Et c'est comme ça, à travers cette foi, que j'ai sa volonté pour moi. Jesus had faith in his father. Jesus hatte Glauben an seinen Vater. Jésus-Christ avait la foi en son père. Remember in Mark 11, he told them when you know after speaking to the fig tree and the fig tree dried from the root, he said, "Have faith in God. Have faith in my Father, because I have faith in my Father. Have faith in me." Nachdem er zu dem Feigenbaum gesprochen hat und er ausgetrocknet ist, hat er gesagt, glaubt an mich, glaubt an meinen Vater, genauso wie ich an meinen Vater glaube. Rappelez-vous, quand il a parlé au figuier, il a dit aux disciples, croyez en moi et croyez et comme moi je crois aussi à mon Père. Ça signifie qu'il nous recommande qu'on doit le croire et lui faire confiance. Again, Jesus had faith in his Father. Jesus hat Glauben an seinen Vater. Jésus-Christ a fait confiance à son Père. And he understood what his true victory is. Er hat verstanden, was sein wahrer Erfolg ist. Et il avait compris qu'est-ce que ça signifie avoir la vraie victoire. You know, he understood that his true victory was not he will not die. Er hat verstanden, dass sein wahrer Erfolg ist, nicht zu sterben. Et il avait compris que avoir une vraie victoire, c'est pas le fait qu'il va pas mourir. His true victory was he was one with his father. Sein wahrer Erfolg ist, dass er eins war mit seinem Vater. Sa vraie victoire était qu'il était un avec son père. Praise the Lord. Alléluia. The true victory is not my bills are paid. There are not anything things here. The true victory is I'm one with my father. Sein wahrer Erfolg ist, dass ich eins mit meinem Vater. La vraie victoire est que tu es un avec ton père et pas parce que tu as payé tes factures ou bien tu as résolu n'importe quel problème. His father's will must be done, and not you will not die must be done. Der Wille des Vaters muss geschehen und nicht, dass ich nicht sterben werde. La victoire c'était que la volonté de son père soit faite et pas que la volonté pas que qu'il ne puisse pas mourir. Just like my father's will must be done, and not I must pass must be done. Genauso wie der Wille meines Vaters muss passieren und nicht, dass ich auf keinen Fall durchfallen darf. Tout comme la volonté de mon père doit se faire et pas parce que et pas que je ne puis que je ne dois pas échouer. I must pay my bills must be done. Dass meine Rechnungen bezahlt werden müssen. Ou bien que mes factures doivent être payées. I must marry and have children must be done. Oder dass ich heiraten muss und Kinder haben muss, so das muss passieren. Ou bien que je puisse avoir des enfants ou bien être mariée. And one with Christ is the true victory. Amen. Dass ich eins bin mit Christus, das ist der wahre Erfolg. Le fait que je sois un avec Jésus-Christ, c'est vraiment ma vraie victoire. The Spirit of God in the heart of man is the true victory. Der Geist Gottes im Herzen der Menschen, das ist der wahre Erfolg. L'esprit de Dieu dans le cœur de l'être humain, c'est ça la vraie victoire. Amen. Amen. With God kind of faith, you can only have what Christ has for you. Und mit Gottes Glauben kannst du auch nur das haben, was Christus für dich hat. Avec la volonté de la foi de l'Éternel, tu peux seulement avoir ce que l'Éternel a pour toi. Remember what God kind of faith is. Believe in the finished work of Christ. Erinnert euch an Gottes Glauben, nämlich an das fertige Werk von Jesus Christus. La foi de l'Éternel, c'est quand tu crois à l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel. That is how you can only have what he has for you. Nur so kannst believe du das haben, finished work. Was er für dich hat. And not all the see the system of this world. You must study, you must do this, you must do that. Indem wir unseren Fokus auf dem haben, was er für uns getan hat, nicht auf dem, was diese Welt uns sagt, was wir zu tun haben, um Erfolg und Freude zu haben. Notre victoire, c'est quand on a notre concentration à l'Éternel et pas à travers à ce que au système de ce monde. Amen. Amen. It is with God kind of faith that you can only have what Christ has for you. And that is himself alone. Amen. What he has for you is himself. You can see even the old. Everything of Shadrach, Meshach and Abednego turned to Christ. Das, was er für dich hat, das ist er selbst. Und genauso wie bei Shadrach, Meshach und Abednego, dass alles, was sie hatten, wurde dann zu ihm selbst. Et ce qu'il a pour toi, c'est vraiment lui-même. Et c'est pour cela que tu vois aussi qu'avec les trois garçons hébreux, tout ce qui les appartenait, leurs vêtements, les chaussures, les cheveux, tout, rien n'avait brûlé. Tout était devenu Jésus-Christ lui-même. Don't separate anything from him, anything of you from him. Pass or fail is he. Amen. Amen. Und trenne nichts von ihm. bestehen oder nicht bestehen, er ist es. Ne sépare rien qui t'appartient de Jésus-Christ, parce que ton échec ou bien ta victoire, c'est lui-même. Stop seeing it how this world sees. Hör auf, die Dinge so zu sehen wie diese Welt. Arrête de voir les choses comme ce monde le voit. They see paths of fail, but you still see Christ. Always see Christ, no matter the result. Du sehe Christus, are you getting egal was das Ergebnis ist. Eux, ils voient ton échec ou bien leur échec ou bien leur victoire. Mais toi, ne vois pas échec ou victoire. Vois seulement Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui ta victoire. Their meditation and your meditation should never be the same. Ihr Nachsinn und dein They meditate, but you also meditate. They meditate on and I must pass. You meditate, I have Christ, on I have Christ. Are you getting it? Ihr Nachsinn und unser Nachsinn darf kein Fall gleich sein. Sie sind über ihr Bestehen nach, dass sie bestehen müssen. Wir sind über Christus nach. Das Leur méditation et ta méditation ne doivent pas être la même chose, parce que eux sont en train de méditer de l'heure qu'ils ne veulent pas échouer, mais toi tu dois méditer sur Jésus-Christ lui-même, que sa volonté soit faite. Amen. Your meditation is I'm going to pass. Your meditation is I have Christ. I am Christ. Christ is everything. No matter what, he is everything. That should be your meditation. Wir wissen, dass alles Christus ist, dass wir Christus sind und dass wir Christus schon haben. Darüber sind wir da. Mm-hmm. Par exemple, eux, ils ont leur méditation, c'est leur qu'ils veulent réussir. Mais nous, notre méditation, c'est on va toujours avoir ce que l'Éternel a pour nous. Joshua 1. The Lord revealed to us how to prosper. Der Herr offenbart uns, wie wir Erfolg haben. What are people looking for today? Wonach suchen die Menschen heute? To prosper, to be famous. Josué 1, l'Éternel nous va dire, nous fait voir comment prospérer. Praise the Lord. Halleluja. Das Königreich hat sein eigenes System. Amen. Donc, on va voir comment avoir le succès dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux a son propre succès. You better get out of that. Système, pardon. You better get out of the system of this world. Comme raus aus dem System dieser Welt. Et on doit sortir du système de ce monde. If not, you will be full of disappointment. Du wirst voll von Enttäuschung sein. Sinon, tu seras vraiment déçu. You will be frustrated. Du wirst frustriert sein. Tu seras frustré. And you fall into depression. Du wirst in Depression verfallen. Et tu vas tomber dans des dépressions. Amen. Praise the Lord. Alleluia. If you read Joshua from 1, chapter 1, from 1 to 9. Joshua 1:1-9. Josué 1:1-9. We'll quickly go through. Amen. Praise the Lord. Alleluia. He said, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, son of Nun, Moses' minister, saying, you know, even Moses was even a servant, not even a son. Selbst Mose war ein Diener und kein Sohn, halt wie Söhne. Josué 1, on voit ici que Moïse était un serviteur et nous sommes des fils. In verse 2, he said, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all the people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Verse 3. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Praise the Lord. Hallelujah. When we were believing God for our sake, I was standing on this. This very place was only the place I know in the Bible. Als wir dem Herrn vertraut haben wegen unserer Aufenthaltsgenehmigung hier in Deutschland, war dieser Vers 3 der einzige Vers, den ich in der Bibel kannte, und auf den habe ich immer wieder gepocht. Vers 3. Every place that your soul of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses, and I believe it belonged to me. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe, und das habe ich geglaubt. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Et ça, je l'ai cru aussi pour ma vie. You know, we were so many in our where we were living, this Azihan, we are very many. And a lot ran away, a lot have to, they look for one way, some marry, They have to marry white because so that they have their state. But you know, depending on the Lord, it's interesting. Mm-hmm. Even with just little, I know. I knew then, very little. The Lord will always meet you there. Mm-hmm. If you even have just a little mm-hmm. to hold on to, he will be there for you. Und auch nur mit dem Kleinen, was ich wusste, habe ich mich daran festgehalten. Und wie gesagt, zu der Zeit waren viele Leute auf der Flucht oder haben ihre eigenen Lösungen in Betracht genommen, haben geheiratet, haben deutsche Leute geheiratet. Ich habe einfach, wir haben einfach auf den Herrn vertraut. Et quand j'étais dans la maison d'asyl, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de se battre pour avoir des papiers allemands. Et ils se sont mariés pour avoir, ils ont commencé à, ou bien essayé à résoudre le problème eux-mêmes. Mais moi, je n'avais pas vraiment, je n'avais pas beaucoup, j'avais seulement ce verset ici, verset 3 ici, et c'est à ça que je me suis tenue et j'ai fait confiance à l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Je me suis accrochée. Amen. You know, my sister, there she came to us to visit, she was in our place and we are believing. After prayer, then I inform everybody we have our sleep. There was no sleep. We are just believing the Lord. Amen. Mm. You know, after prayer, you act. Nach dem Gebet handeln wir. It's very, very important. Und das ist sehr, sehr wichtig. Action. Danach zu handeln. Most action is start from the mouth, your mouth. Und die Handlung fängt im Mund an, dass man das ausspricht. À travers, après avoir prié, on doit commencer à parler. On doit, tu parles, tu dois faire une action. Et l'action commence à travers tes paroles. Are you getting it? You know, once you believe, you act. Faith, a spirit without a body. Faith without action. It's a dead faith. If you believe, you act. And how to act? Number one is by speaking. You confess Christ. Christ is our state. We confess him. I don't know if somebody is getting it. You confess the victory that the Lord has for you. And that victory is Christ himself. He never gives you anything outside himself. Are you getting it? Mm-hmm. We confess it. We phoned them in Nigeria and told them we have our state. Mm-hmm. They, my mother, they were all dancing, rejoicing. Because all the time, we were always telling them, we don't have it. Help us to pray. Join us to pray. Help us to, all the time. That was always. And this time, we just phoned them and said, they have given us. Hey! My mother said, they gave you. Hey! All of them rejoicing. And we were here. And this time, they were giving us 1 week, 2 weeks to leave Deutschland. I could not go. I was not able to go alone again because so that they will not just take me and deport me. Because they can take the woman first or the man first and deport. Take you to Nigeria immediately. We experience a lot. A husband and wife, they look for the wife at home. And they went to the work. They picked the husband in the place of work. You just come to your place. You have not seen. Some people started sleeping inside their car. They can't sleep at all because once you sleep at all, police, they will just come and take you. People were sleeping inside their car. They prefer with cold. They prefer they were afraid to sleep inside the house because they can come at any time. Once your asylum is finished. A lady, there was a man, he went to work. The wife went to pick the husband. After picking the husband, they came home to pick the wife. So the wife, girl sat down, he was having bath in bedroom. And he heard that police has come, because noise everywhere. People were saying, hey, police. So he hid herself in the bedroom. They did not know that she was in the bedroom. Then they came, they checked their room, they did not get anybody, they left. It was the next, that very day the husband did not come home. The next day the husband phoned her and said, I'm already in Africa, I'm already in Nigeria. They deported me yesterday, they came to pick me in my place of work. They wanted to come and they said they did not see you. Where were you? sacrifice. Praise the Lord. Amen. So, for me to for us to renew our vows, there was a man, Herman. Papa's, we were very close to this man, a German, loved us and was always there for us. Then, now, was now the one following me to foreign office so that if he's there, maybe they'll be afraid so that they will not touch me to take me out. So that man was always following me there. They were giving us 2 weeks and later 1 week. Then we believed the Lord. And there was a law that did not pass. And this law, they said they want to pass it for years. They have not been able to make it. And this time, the regime that was there is this, maybe CDU also, they said this one, they will never pass it. Because these people, they don't like foreigners. The people we were moving with them, they were always saying it. So we said, there's nothing impossible with Christ. Amen. These people that they said that will not pass it, pass it. Mm-hmm. That's how we were qualified to be in those Amen. From nowhere. And when they now granted us, we did not even have anything to say to our mother again because they have already rejoiced. Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. You know, here it said, every place that your soul of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses, God is no respecter of any person. Amen. Und wie gesagt, wie ich euch auch öfter schon erzählt habe von unserer eigenen Geschichte, ne, als es um die um den Aufenthalt hier in Deutschland ging, dass es eine Zeit gab, wo wir wöchentlich zur Ausländerbehörde gehen mussten, um unseren Pass zu erneuern, weil wir, wenn wir ihn nicht erneuert hätten, dann hätten wir direkt halt abgeschoben werden müssen. Verlängert. Ne? Also verlängert, wir mussten immer wieder verlängert werden. Und ich bin dann halt auch immer damals mit einem Familienfreund dorthin gegangen, der halt aus Deutschland kam. Und er hatte mich dann immer begleitet zum Ausländeramt, weil wäre ich alleine dahin gegangen, hätte man mich einfach so auf einmal halt abschieben hätte können. Messi was your baby. Ja. Hätte man mich einfach mit meiner Tochter halt abschieben können. Abschieben können. Hätte mich sehr gut mit meiner Tochter abgeschoben und ich wäre weg gewesen, während mein Mann auf der Arbeit ist und nichts davon weiß. Und das ist damals oft passiert, dass man halt, ne, wir erkennen auch Leute, da wurde der Mann auf der Arbeit einfach abgeholt und abgeschoben. Und am nächsten Tag hat er seine Frau aus Lagos angerufen und hat gesagt, ey, ich bin in Nigeria wieder, man hat mich abgeschoben. Na, und solche Sachen waren einfach immer wieder, sind solche Sachen passiert. Leute haben mit Angst und Panik geschlafen, mussten sogar in Autos schlafen, weil sie sich dachten, wenn ich zu Hause bin, wird man mich antreffen und abholen. Im Auto wird man vielleicht mich dann nach mir suchen. Und Leute haben diese Dinge gemacht, obwohl es eisig kalt war in Deutschland. Es waren nicht Sommerverhältnisse, in denen man das gemacht hat. Und dennoch haben wir in dieser Zeit dem Herrn geglaubt und ihm vertraut und sogar unseren Eltern Nigeria gesagt, dass, ey, wir haben die Aufenthaltsgenehmigung schon, weil Christus unsere Aufenthaltsgenehmigung ist. Deswegen haben wir das alles schon, weil er ja alles ist für uns. Und sie haben natürlich den geistlichen Teil davon nicht verstanden, haben einfach nur gesagt oder gewusst, wir haben die Aufenthaltsgenehmigung, haben sich deswegen gefreut. Und wir waren aber in der Situation, in der besagten Situation und als es dann physisch sich offenbart hat, hatten wir sogar gar nichts mehr, was wir denen hätten sagen können, weil die sich ja schon gefreut haben und jetzt schon dachten, dass es ja schon physisch passiert ist. Aber so sehen wir einfach, dass halt der Glaube, dass der Glaube ohne Taten halt tot ist. Und weil wir halt geglaubt haben, haben wir es in die Tat umgesetzt und haben deswegen bezeugt, dass wir diese Aufenthaltsgenehmigung schon haben. On doit comprendre que chaque foi vient avec, tu dois confesser, quand tu crois à quelque chose, tu confesses et là tu as ta victoire. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup d'exemples aussi dans ma vie, comme par exemple moi et mon mari, quand on croyait, on essayait d'avoir nos papiers ici en Allemagne pour rester ici, on nous avait seulement permis de rester chaque deux semaines et on devait toujours prolonger ce permis, ces papiers-là. Et j'avais même peur, quelquefois, on avait même peur qu'on puisse seulement te débarquer comme ça et puis sans prévenir à ton mari ou bien sans prévenir à ta femme. Tu es déjà en Afrique, des histoires comme ça, ça s'est aussi passé. Et nous, on a appelé notre famille en Afrique, on a dit que oui, on a notre... on nous a donné nos papiers et ils se sont réjouis. Et quand on a dit ça, on n'avait même pas nos papiers, on ne les avait même pas physiquement, mais on croyait seulement, on a cru et on a confessé. Et ils se sont réjouis pendant que nous, on avait seulement le permis de rester là pendant une semaine. Et après, quand ça s'est manifesté, quand l'Éternel nous a donné les papiers, on ne pouvait plus rien dire parce qu'eux, ils ont déjà fait la fête pour nous. Ils se sont réjouis. Et nous, on pouvait se réjouir maintenant nous-mêmes après ça. Voilà. Praise the Lord. Hallelujah. You know, how many can we even give? We will give one, Nathaniel coming to join us in Dutchland. It was all the same. Mm. Amen. Yeah. We are there, we are here. And for them to come, it was war. But there is nothing impossible with the Lord. Amen. If you believe, confess, he never fails. Mm. And keep on trusting him. Mm. Und es gibt so viele Zeugnisse, die wir sagen können, auch die, meine Söhne nach Deutschland gekommen sind, ne? Als wir noch schon in Deutschland waren, wie sie hier kommen, auch auf übernatürliche Art und Weise. Aber wir glauben, dann bezeugen wir. Si tu crois, tu dois confesser, parce que on a vraiment beaucoup de témoignages, même quand mes fils sont venus ici en Europe. En Europe, par exemple, c'était aussi une vraie guerre, mais on a cru et on a confessé et ça s'est passé aussi. Praise the Lord. Hallelujah. In Joshua 1, verse 4, whoever will help us to read. Joshua 1, verse 4. Praise Jésus the Lord. 1, verse 4. Amen. Amen. Verse 4. Verse 4. Verse 4. Open your shot. Okay, shot. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord will always meet us where we are. Amen. Der Herr wird uns immer da antreffen, wo wir sind. I'll come, you give her. When we did not know much, he was there. Als wir nicht viel wussten, war er da. Éternel va seulement va toujours venir te rencontrer là où tu es, parce que pendant que nous on savait pas beaucoup, là il nous a rencontrés malgré on savait pas beaucoup. Amen. Amen. But now we know much, and he expects much from us. To believe him more. Und jetzt wissen wir mehr. And not to believe him less. Mm. Believe him more. Mm. Aber jetzt wissen wir mehr und er fordert mehr, dass wir ihm noch mehr glauben und vertrauen. Et maintenant que on sait beaucoup plus des choses, lui ici attend aussi beaucoup de choses de nous que on puisse encore lui faire confiance encore. Praise the Lord. Alleluia. Before we give our read, let's go to Luke 12 verse 40. Verse 48. Lucas 12. Luke 12. Praise the Lord. Amen. Luke 12, verse 48. Lucas 12, 48. Luke 12, 48. He said, but he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whosoever much is given, of him shall be much required. And to whom much men have committed much of him, they will ask the more. Now we know much. Jetzt wissen wir mehr. Amen. We know much. There are a lot of promises for us here in the Bible. We should believe more. Aujourd'hui, on connaît de plus et il y a beaucoup de promesses ici pour nous et on doit croire encore de plus. Es gibt viele Versprechen für uns hier in seinem Wort und wir sollten mehr glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, give a help us to read verse 4. Vers 4. Verset 4. Joshua 1. Ah, Josué 1, verset 4. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea towards the going down of the sun shall be your coast. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allow Christ to be everything for you. Lass zu, dass Christus alles ist für dich. Permet l'Éternel d'être tout pour toi. Amen. Amen. Christ and our everything, they are one. Christ ist unser alles und eins. Jésus Christ et nous, tous nos biens sont un. Christ and whatever you are doing, your job, it should be one. Mm-hmm. Don't separate your job from Christ. You are working for Christ and not for man. Mm-hmm. und Christus und was immer wir tun, das ist eins. Was immer wir tun, das ist Christus. Wir sind nicht getrennt von ihm. Et Jésus-Christ est n'importe qu'est-ce qu'on fait, c'est une personne. Et arrête de séparer ton travail ou n'importe qu'est-ce que tu as de lui. And that's how whatever is coming, the reward that is coming from Christ and not from man, not from your chef. Und so kommt if auch, you believe Christ and your job is their one. So kommt auch die Belohnung von Christus und nicht von deinem Chef, wenn du glaubst, dass alles, was du tust, Christus ist und nicht irdisch ist. Et c'est pour cela, chaque récompense que tu vas avoir, ça vient pas de ton chef, ça vient par exemple, ça vient toujours de l'Éternel si tu vois vraiment ton travail comme comme Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. You know the fight they are fighting today. The fight that the whole world fight today. The fight to prosper, the fight to make ends meet. The fight to be famous. That's the fight today. The fight, you know, why are you going to university? And becoming a graduate is to fight to be to have something, to be famous, to be known, to make ends meet. You can see the fight they fight. We also fight, but we don't fight that fight. Amen. Amen. Und warum kämpft man hier auf dieser Welt? Warum geht man in diese Ausbildung? Wieso macht man das Studium? Wieso sucht man all diese Dinge, um sich ein Leben leisten zu können, um über die Runden zu kommen, um sich auch mal was gönnen zu können. Aber wir leben nicht so. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist Christus. Das haben wir schon. Pourquoi est-ce qu'on part, on va avoir un bon travail? Pourquoi est-ce qu'on va avoir des bons résultats ou bien des bonnes postes ou bien n'importe quelque chose, un bon mariage, je ne sais pas. Pourquoi on veut les avoir? On veut avoir ça pour avoir une belle vie après. Mais nous, nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Nous, notre résultat, c'est Jésus-Christ. On veut seulement avoir Jésus-Christ. I'll quickly read from 5 to 9. Amen. He said, there shall not any man be able to stand before thee all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 6, be strong and of good courage. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto your fathers, their fathers, to give them. 7. Only be thou strong and very courageous. Don't ever give up. Keep me that off. Amen. Once you confess and say, I have it, believe it. Amen. Believe it. Donc tu dois, quand tu confesses, quand tu crois et tu confesses, tu dois vraiment le croire. Faut jamais abandonner. Once you believe you are healed, you are healed. That you have pain does not mean you are not healed. Amen. Nur weil du glaubst, du geheilt bist, du geheilt. Weil du Schmerzen hast, heißt nicht, dass du nicht geheilt bist. Quand tu penses par exemple que tu es guéri, et même si tu as des douleurs, tu dois croire que tu es guéri. Tu dois aussi le confesser que tu es guéri. Amen. That you still have pain. You know, the Syrian army, they were there. But those that be with them, they were also there. Amen. That the Syrian army were there does not mean those that be with them are not there. Are you getting it? Nur weil die syrische Armee both are present. Heißt nicht, dass die geistliche Armee nicht auch hinter dir steht. Beide sind gegenwärtig, sind da. Seulement comme parce que tu vois que l'armée syrienne est devant toi, ça signifie pas que toi, ton armée du royaume des cieux n'est pas derrière toi. Donc, tous les deux armées sont là, ils sont puissants, ils sont forts, et la tienne, elle est encore plus forte. The part you believe most is the winner. Den Teil, den du am meisten Glauben schenkst, das ist der Gewinner. Et la partie laquelle tu crois de plus, c'est ça, la partie qui va gagner. Are you getting it? Both are there. Beide sind da. Parce que tous les deux sont là. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That you cannot pay your bills does not mean you are not a prosperous man. Nur deine Rechnung nicht bezahlen kannst, heißt das nicht, dass Joseph could not pay anything. He was even a slave. You are even better than Joseph. Amen. But he was a prosperous man. Mm. And it was not a lie. Nur weil du deine Rechnung nicht bezahlen kannst, heißt nicht, dass du nicht ein erfolgreicher oder wohlhabender Mensch bist. Joshua hatte Josef. Hatte auch nichts, aber dennoch hatte er alles, weil er Christus hatte. Und es war nicht gelogen. Seulement parce que tu n'es pas capable à payer tes factures aujourd'hui, ça signifie pas que tu n'es pas riche ou bien tu n'es pas, oui, un homme qui est prospère. Tout comme on voit Joseph, par exemple, l'Éternel a dit qu'il y a un homme riche, malgré qu'il était dans ce moment-là, il était un esclave. That you don't even have any child here on earth, it doesn't even mean anything. Because you have children. God's children are your children. That's and you know how you get it. That you don't have mother, father here. You know, people... Praise the Lord. Hallelujah. Allow him to be everything. That's what I say, Alice first. Tu dois vraiment permettre que Jésus-Christ soit en tout. Seulement parce que tu n'as pas des enfants ici sur terre ou bien des parents ici sur terre, ça ne signifie pas que tu n'as pas des parents ou bien des enfants, parce que Jésus-Christ, il est en tout. Le seul mari qui ne meurt jamais, c'est Jésus-Christ lui-même. I love that. Amen. Verse 6, be strong and of good courage. For unto the people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto your father to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all that the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it. Do you see that? Let Christ be your focus. Don't turn away from him. Wende dich davon nicht ab. Once you say yes, let that yes be yes. He has done it, he has done it. Das heißt getan, heißt believe getan. It. Glaube. Ne te détourne pas, ni à ta droite, ni à ta gauche, afin que tu réussisses en tout ce que tu entreprendras. Donc ça signifie que quand tu lui crois, tu dois vraiment être concentré vers lui. Everything will come and fight it. Alles wird kommen und es bekämpfen. Parce que toutes choses vont venir venir te battre gauche et droite. Mais toi, combattre, mais toi, sois ferme, reste. Amen. Just like things come to fight your salvation. Things come to fight your salvation, but you never give up. You are saved, you are saved. I don't know saved. As, you know, if you spell it, I don't know the bush tabby that they don't know. Are you getting it? You are saved, you are saved. I have victory. Are you getting it? You will not argue you have victory. Why should you have argue? Why should you anything to make you to doubt that you already have victory? Amen. It is when you receive your salvation that you receive your path. Amen. Receive your everything. Amen. Everything. Du lässt nicht über deine Errettung diskutieren und genauso auch über alles andere in deinem Leben, nicht der Erfolg, die Versprechen, alles ist schon getan in Christus und das ist unwiderruflich. Tu vas pas discuter parce que quand tu crois que tu as ton salut, c'est au même moment ou bien à la même manière que tu crois aussi que tu as ta victoire en Jésus-Christ parce que lui, il est en tout et si quelqu'un et même on sait aussi que quelquefois il y a des problèmes ou bien des histoires qui viennent pour nous faire douter si on est vraiment sauvé, si on a notre salut, mais nous on reste ferme, on continue à lui croire, on est toujours en persévérance et c'est comme ça qu'on si on doit être concernant nos biens ou bien les choses qu'on fait. Praise the Lord. Only be thou strong and courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper. How to prosper? You see how to prosper. Et ça, verset 7 nous fait voir comment être, comment avoir ça, avoir du succès. With soever thou goest. Verse 8. This verset book 8. Of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord your God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Where are you going? He said. Before you even get there, he's already there. Peu importe où est-ce que tu pars, il est là. Même avant que tu puisses y arriver, il était déjà arrivé avant toi. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Remember 1 Corinthians. 1 Corinthians 2, 9 and 10. He said, I have not seen or ear heard. what he prepared for you. Er wird dann erstmal erzählen, dass noch kein Ohr hat gehört und noch kein Auge gesehen, was der Herr denen vorbereitet, die ihn lieben. Amen. On va lire 1 Corinthiens 10. Praise the Lord. 1 Corinthiens 2, Vers 9. 1 Corinthiens 2. Praise the Lord. Ralph will help us to read verse 9. 1 Corinthians 2, 9. Then, who will help us? Susie will help us to read verse 10. 1 Corinthians 2, 9. 1 Corinthians 2, 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist 10 jetzt, ne? Mhm. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Your eyes, the eye, I have not seen or ear heard what the Lord, the peace the Lord have for you, that he has given you, your joy, your rest. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The God have revealed them unto us. By his spirit. Amen. It is through his spirit. We are, sein Geist. We are understanding him. Verstehen wir ihn. We are knowing him. Et c'est à nous de Dieu, que Dieu les a révélés par son esprit. Nous, il nous a révélés ça à travers son esprit. On les comprend. Nous sommes capables à comprendre et à agir ainsi. Praise the Lord. Amen. It's like what Galatians 5:22-23 said. Amen. Everything works for us. Amen. Amen. His love, his joy, his peace is different from that of the world. Amen. Amen. Our eyes are seeing it. Our ears are hearing it. Amen. And we are experiencing it. Are you getting it? Amen. What he prepared for us, we are already experiencing it. We are experiencing the Christ in us. Amen. Und wir erleben schon Christus in uns, weil wir die Frucht des Geistes schon sehen. Wir können sie mit unseren Augen sehen und unseren Ohren hören. Die Freude des Herrn, den Frieden des Herrn, den Glauben des Herrn, all die Frucht des Geistes. Et on est tenté déjà, nous sommes déjà en train de vivre ce que l'Éternel a pour nous parce que ce sont les fruits de l'Esprit, la paix, la joie et tout ça parce qu'on est en Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. He said it is through the fruit of the Spirit. That is how you are going to inherit his inheritance. Amen. Durch die Frucht des Geistes werden wir sein Erbe haben. Et c'est à travers les fruits de l'Esprit qu'on va hériter ces héritages qu'il a pour nous. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen.